La représentation d'ensemble de chants et de danse pour féliciter la réussite au lancement expérimental de la fusée balistique intercontinentale s'est déroulée du 10 au 12 courant en grande pompe à Pyongyang. Y ont assisté les travailleurs de divers milieux, les jeunes étudiants de la ville. Ce spectacle qui a ouvert une nouvelle phase de la représentation musicale en combinaison avec la musique d'orchestre et la musique légère, le chœur et divers numéros de musique vocale et la danse à la coréenne, a joui des applaudissements chaleureux des spectateurs.